conscience, doit être pris d'interférence. Ils n'ont plus d'idéologie, manipuler, vive la démocratie. Courant vers la fortune, qui les mènera droit vers la fortune. Je vis crevant dans la colline, pour créer une vie pourrie. Assassiné, à coups de fouet par la société. Assassiné, à coups d'impôts trop élevés. Assassiné, à coups de fouet par la société. Assassiné, à coups d'ambition irraisonnée. Assassiné par la société. Penser, j'ai consommé et travaillé. Rendez-vous compte de cette ironie, messieurs en font même des atomies. Ils n'ont que ces mots-là à la bouche. Au secours, je m'en étouffe. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. On sera bientôt tous foutus. Courant, courant vers la fortune. Il les mènera droit vers la fortune. Ceci crevant dans l'agonie. Qu'on fait une vie pourrie. Assassiné, à coups de fouet par la société. Assassiné, à coups d'impôts trop élevés. Assassiné, à coups de fouet par la société. Assassiné, à coups d'ambition irraisonnée. Assassiné, par la société.